City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans mon monde fantastique musical où cette semaine encore, et dans un épisode inédit, je vais vous parler de musique. Le principe de l'émission, vous le connaissez, mais on va quand même le rappeler pour les nouveaux venus. C'est une demi-heure de musique, rien que de la musique, avec 5 titres, 5 artistes aux horizons différents et qui vont nous faire voyager. Ce soir, une émission qui va rendre hommage dans un premier temps à une chanteuse française disparue récemment. Mais on va se le garder plutôt pour la fin d'émission, allez. Avant, nous pourrons découvrir la bande originale du prochain Deadpool, également une humoriste française qui pousse la chansonnette, et pour débuter, même tout de suite maintenant, le groupe Gorillaz. Et c'est avec le titre Revolving Doors, premier single de l'album The Fall, que nous allons démarrer. C'est un album écrit et composé sur un iPad, rien que ça. Pour bien démarrer la soirée, bon appétit à vous avec Gorillaz. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Les rumeurs vont bon train. Céline Dion est actuellement souffrante d'un problème d'audition qui l'empêche de chanter convenablement. Toute une série de concerts à Las Vegas ont dû être annulés. Malheureusement, laissant des milliers de fans dans le désarroi, surtout ceux qui avaient prévu de faire le déplacement depuis la France. Se murmure même que la diva ne pourrait plus chanter et prendre même sa retraite. Bon, c'est une belle intox, hein, bien évidemment. On a eu la surprise il y a quelques jours de découvrir un nouveau single inédit de Céline Dion. Ça s'appelle Ashes. Et non pas Ashes, attention, hein, faites pas le jeu de mots. Moi, je vous vois venir. Dans le titre, c'est une balade romantique dans la continuité de My Heart Will Go On. La bande-son du célèbre film aux multiples Oscars, le Titanic, bien évidemment, en 98, on s'en souvient. Le plus étonnant est que cette nouvelle chanson est elle aussi la bande originale d'un film. Mais lequel ? Bon, je vous le dis tout de suite, moi je m'y attendais pas une seconde. Deadpool 2. Hein. Réussir à allier une balade romantique à une comédie de super-héros un petit peu barrée, laisserait-il supposer que ce second opus de la saga serait un peu plus sérieux ? Ou, tout du moins, comporterait des scènes un peu plus posées ? On s'interroge. Hein. Un petit peu comme sur la chirurgie évidente de Céline Dion, qui aborde quand même dans le clip un visage, somme toute de jeune fille de 20 ans, oui, mais un petit peu figé. Roumanoff nous le répète assez régulièrement dans ses sketchs, on ne nous dit pas tout. Hein. Bon, c'est pas grave, Céline Dion quand même sur Fadjet avec le titre Ashes. What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice, calling on you. Been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out. Music and the City sur Fadjet. Hello, Samantha. And this is WCDA. Are you there? Il y a des artistes un peu touche-à-tout qui excellent dans tout ce qu'ils touchent, justement. L'exemple le plus flagrant sera la personnalité qui va suivre, et j'ai nommé Madame Valérie Lemercier. Si elle cartonne dans tous ses films, ou presque, depuis plus d'une vingtaine d'années, il faut pas oublier qu'elle est surtout une humoriste connue, reconnue et accomplie. Alors si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur sa carrière de scène, il faudra obligatoirement passer par une salle de spectacle. L'humoriste ayant toujours refusé toute captation de tous ses spectacles, quels qu'ils soient. Elle dit elle-même que un one-woman show, c'est quelque chose de vivant et ça ne doit pas être figé sur une bande, puisqu'il y a des choses qui diffèrent chaque soir. On reconnaît vraiment là l'artiste complète, moi je vous le dis. Et Valérie Lemercier, c'est également une excellente chanteuse, je ne sais pas si vous le saviez. On a pu découvrir son joli brin de voix sur un sublime duo, disponible sur l'album Inventaire, le premier disque de Christophe Willem, maintes fois récompensé en 2007. Un duo qui s'intitule « Pourquoi tu t'en vas ?». Ça traite d'une relation chaotique entre deux amoureux qui s'entretuent affectueusement. Un vrai sens à notre société d'indécis des sentiments. Je ne vise personne avec cette phrase. Et comme c'est beau, c'est dans Music and the City, bien sûr. The City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Si vous suivez l'émission Génération VHS, qui est diffusée sur Fadjet tous les premiers jeudis de chaque mois, même si on a loupé le mois dernier, nous étions en congé, vous aurez peut-être remarqué que j'ai parfois des goûts cinématographiques un peu hors normes, puisque je chronique dans cette émission. C'est pourquoi ce soir, il est temps d'annoncer la couleur et de vous dévoiler l'un de mes films préférés, qui reflète, en toute sympathie, ma brillante filmographie. Ça s'appelle American Girls, ouais, rien que le titre. Ça parle d'un concours de pom-pom girls dans un lycée américain. Oui, oui, oui. Et ça envoie du lourd. Surtout si vous avez été un teenager du début des années 2000, alors là, vous n'avez pas pu manquer ce film. Le pitch peut paraître un peu nunuche, le film l'est aussi, hein, je vous rassure, mais il y a un casting relativement bon, avec à la barre Christine Dunst, que l'on connaît très très bien, le sourire de Mona Lisa notamment, Eliza Dushku, que l'on a connue pour son rôle de Faith dans Buffy contre les vampires, et le sexy Jess Bradford, qui joue un mec cool, relax, vous savez, ce genre de mec que toutes les nanas kiffaient en silence dans les cours de récré. Oui, mesdames, faites pas genre, hein, je vous vois venir. Ça reste une comédie américaine sans prétention aucune, mais on passe tout de même un bon moment. Bon, je passe sur la série de suites sans saveur qui ont été réalisées par des mecs qui ont vraiment voulu faire du fric facile avec un concept qui est bien ancré, mais ils ont vraiment rien réinventé, donc je passe. Côté chanson, le thème principal du film est laissé aux mains des Bewitched. C'est un girls band de la fin des années 90 que vous avez peut-être connu et qui excellait elle aussi dans une reprise de la chanson Hey Mickey de Tony Basil. Franchement, un titre qui va faire plaisir à tous nos amis cheerleaders. Cheerleader, pour ceux qui n'ont pas vraiment fait le lien, c'est pom-pom girl en anglais. Oui, je sais, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. C'est le moment de rendre hommage à une artiste que j'aime beaucoup et qui nous a quittés subitement il y a quelques jours des suites d'un long combat contre une maladie. La chanteuse Rose Lawrence, idole des années 80, elle aura su imposer un style particulier, propre à nos années VHS qu'on aime beaucoup. Il est toujours difficile de parler d'un artiste disparu et que l'on a apprécié. Alors autant ne rien dire et apprécier le titre Africa, son plus grand tube. Merci pour tout, Madame Rose Lawrence, on ne vous oubliera pas. Weekend the City sur Fadjet. Une émission qui se termine dans la joie, la bonne humeur avec Rose Lawrence. Merci pour tout, Madame Rose Lawrence. On se retrouve la semaine prochaine, oui, mais sachez que je serai en congé, moi, cette semaine. Donc profitez bien de la musique quand même, profitez du beau temps, parce qu'en ce moment, c'est top. Il faut vraiment, vraiment en profiter, même si on a un petit peu de pluie de temps en temps. Hein. C'est bon, hein. C'est pas ça qui va nous arrêter. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Écoutez de la musique, c'est très important. Et surtout, le Facebook, Fadjet-Music and the City, où vous pourrez retrouver les clips des chansons de ce soir à partir de demain. Voilà. Bonne soirée, ciao, ciao.